Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N. E. Dionne, lu par Christian Martin. Chapitre 6e. Le scorbut ou mal de terre. Le scorbut est un obstacle à la colonisation française en Canada. Symptômes de cette maladie contagieuse décrit par Jacques Cartier et par Champlain. Ses causes. Opinion du père Billard et de l'Escarbot. Mal de terre et scorbut de mer. Les deux sont-ils différents? Remède chez les divers peuples de l'Europe. Améda ou épinette blanche. Un des obstacles à la colonisation de la Nouvelle-France fut la maladie appelée scorbut, fléau terrible, épidémique, contagieux et presque toujours fatal dans ses conséquences. Champlain, l'Escarbot et le père Billard en ont écrit assez longuement, essayant d'en donner des causes probables, mais sans pouvoir en appliquer le véritable remède, pour la raison que le spécifique que les sauvages de Stadacone avaient appris à Jacques Cartier leur était inconnu. Ils en connaissaient le nom sauvage, Aneda ou Améda, et voilà tout. Particularité remarquable, c'est que l'épidémie ne se déclarait dans les rangs des Français que lorsqu'ils étaient établis sur notre sol. Rarement, il est question qu'elle se soit déclarée à bord des vaisseaux sur lesquels ils faisaient la traversée de l'océan. Pourtant, ces voyages duraient 2 et 3 mois. Comment expliquer cette espèce d'immunité sur mer lorsque sur les rives de nos fleuves, sur les bords de l'océan, dans nos îles, le fléau se développait avec rage, tuant en quelques semaines les pauvres contagiés? Si l'on en croit l'Escarbot, la maladie éclatait au commencement de l'hiver pour sévir jusqu'au printemps suivant. Les premiers atteints mouraient au commencement de janvier, tandis que ceux qui ne tombaient sous ses coups qu'en février ou en mars avaient de grandes chances d'en réchapper aux beaux jours du printemps. Les symptômes étaient peu variables, comme on pourrait facilement s'en convaincre à la description qu'en ont laissé Cartier et Champlain. Cartier est le premier qui a donné une description de cette maladie qui, durant l'hiver de 1535-36, lui enleva 25 de ses compagnons. Sur ces 10 qu'ils étaient, il n'y en eut que 3 ou 4, à part le découvreur, qui n'en furent pas affectés. Tels étaient les symptômes. Les uns perdaient la soutenue et leur devenaient les jambes grosses et enflées et les nerfs retirés et noircis comme charbon et aucune toute semée de gouttes de sang comme pourpre. Puis montait la dite maladie aux hanches, cuisses, épaules, aux bras et au col. Et à tous, venait si infecte et pourrie par les gencives que toute la chair en tombait jusqu'à la racine des dents, lesquelles tombaient presque toutes. Il est facile de reconnaître, d'après la description de ces symptômes, l'affection scorbutique. Mais le caractère des cas signalés par Cartier a une gravité toute particulière qu'on ne rencontre plus que rarement de nos jours. Tant il est vrai que ces fléaux des siècles passés ont une tendance bien accusée soit à disparaître, soit à s'adoucir. Les grandes pestes, telles que la lèpre, l'éléphantiasis des Grecs, le choléra morbu même, ont revêtu des formes mitigées qui les rendent moins redoutables aux nations. Roberval vit mourir 50 des siens durant l'hiver de 1542-43, qu'il passa à Charlebourg-Royal, ou François-Roi, à l'embouchure de la rivière du Cap-Rouge. Cartier avait eu la douleur de se voir enlever environ le quart de son équipage. C'était une proportion assez considérable, mais qui eût été accrue, sans doute, si la Providence ne lui eût apporté le spécifique sauvage. L'épreuve fut plus sérieuse pour la colonie de M. Demont à l'île de Sainte-Croix. Nous avons vu que sur 79 personnes, 35, d'après Champlain, et 36, suivant l'Escarbot, y moururent, ou près de la moitié. Il est certain que le défaut de bons remèdes occasionna la perte d'un aussi grand nombre. Il y avait un chirurgien sur l'île, mais il n'y comprit rien. La science médicale à cette époque n'avait pas encore été mise au courant des mots particuliers aux immigrants en terre étrangère. De Mont consulta les principaux médecins de Paris à ce sujet et n'en obtint aucune réponse satisfaisante car, dans les immigrations postérieures, ils n'appèrent pas que les chirurgiens qui en faisaient partie fussent chargés d'ordonnances nouvelles. Quoi qu'il en soit, la maladie, telle que décrite par Champlain, ne diffère pas de ce qu'en avait dit Jacques Cartier. Le fondateur de Québec, toujours particulier dans ses descriptions, nous fournit avec le plus grand soin les détails d'un mal qui sévit plusieurs fois sous ses yeux. Parlant de l'épidémie de l'île de Sainte-Croix, il dit « Durant l'hiver, il se mit une certaine maladie entre plusieurs de nos gens, appelée « mal de la terre », autrement « scorbut », à ce que j'ai ouï dire depuis à des hommes doctes. Il s'engendrait à la bouche de ceux qui l'avaient, de gros morceaux de chair superflue et baveuse, qui causaient une grande putréfaction, laquelle surmontait tellement qu'ils ne pouvaient presque prendre aucune chose sinon que bien liquide. Les dents ne leur tenaient presque point, et les pouvait-on arracher avec les doigts sans leur faire de douleur. On leur coupait souvent la superfluité de cette chair qui leur faisait jeter force sang par la bouche. Après, ils leur prenaient une grande douleur de bras et de jambes, lesquelles leur demeurèrent grosses et fort dures, toutes tachetées comme des morsures de puce, et ne pouvaient marcher à cause de la contraction des nerfs. De sorte qu'ils demeuraient presque sans force et sentaient des douleurs intolérables. Ils avaient aussi douleurs de reins, d'estomac et de ventre. Une toux fort mauvaise et courte haleine. Bref, ils étaient en tel état que la plupart des malades ne pouvaient se lever ni remuer, et même ne les pouvait-on tenir debout, qu'ils ne tombassent en syncope. De façon que, de 79 que nous étions, il en mourut 35, et plus de 20 qui en furent bien près. La plupart de ceux qui restèrent sains se plaignaient de quelques petites douleurs et courtes haleines. Nous ne pûmes trouver aucun remède pour la curation de ces maladies. Le froid était pourtant moins sévère sur cette île, située sur le 45e degré 20 minutes parallèle, au confluent des rivières Saint-Charles et les Rays. Mais, comme nous l'avons vu, l'hiver de 1604-1605 fut exceptionnellement rigoureux. Nos Français n'étaient pas habitués à un pareil climat, et ils eurent aussi à souffrir de toutes les misères inhérentes à un premier hivernage. Ce qui eut lieu à Sainte-Croix se répétait à Port-Royal durant le premier hiver que les Français y résidèrent, 1605-1606. De 45 que nous étions, écrit Champlain, il en mourut 12, dont le mineur, maître Jacques, fut du nombre, et 5 malades qui guérirent le printemps venant. Le chirurgien des champs, de Honfleur, homme expert en son art, eut beau se creuser la cervelle pour trouver un remède au mal, il n'y réussit pas. Il fit l'autopsie de quelques cadavres et il constata les mêmes résultats que lors de l'épidémie de l'île de Sainte-Croix. Durant l'hiver qui suivit la fondation de Québec, le scorbut exerça de nouveau ses ravages parmi les Français. 18 en furent frappés et 10 en moururent. Le chirurgien Bonnerme y succomba après avoir exposé ses jours pour le soulagement des malades. Les Français tentèrent un jour de s'établir sur l'île de Miscou, située, comme on le sait, à l'entrée de la baie des Chaleurs. Le premier hiver qu'ils y passèrent leur apporta bien des épreuves, si on en croit l'écrivain des Relations des Jésuites. En 1635, deux pères jésuites vinrent s'y fixer pour administrer les sacrements aux 23 personnes qui composaient la petite colonie. Le scorbut se déclara au milieu d'eux. Le père Dumarché fut obligé de faire le théâtre de ses travaux apostoliques et son compagnon, le père Turgis, y mourut après avoir enterré la commis, le chirurgien et 8 ou 9 ouvriers. Deux autres religieux les remplacèrent en 1637, mais ils ne furent pas plus heureux que leurs devanciers. Le père Gondois fut contraint par la même funeste maladie d'abandonner la mission de Miscou. Le père Claude Quentin y perdit la santé. Plus tard, le père Dolbeau, le père Martin de Lyonne, jésuites, faillirent aussi y laisser leurs os. Comme on voit, les missionnaires n'étaient pas plus épargnés que le commun des pauvres manœuvriers. Nous pourrions citer encore plusieurs exemples se rapportant à ce fléau. Mais ceux que j'ai donnés doivent suffire pour prouver amplement que le scorbut nuisit considérablement à la colonisation et même à l'évangélisation de la Nouvelle-France. Champlain croit qu'une des causes de la maladie provenait de vapeurs particulières qui s'échappaient du sol fraîchement remué que le soleil n'a pas eu encore l'occasion d'assainir ou, si l'on veut, de désinfecter. Mais citons son opinion tout entière. « Or, je tiens, dit-il, que ces maladies ne proviennent que de manger trop de salures et légumes qui échauffent le sang et gâtent les parties intérieures. L'hiver aussi en est en partie cause qui resserre la chaleur naturelle qui cause plus grande corruption de sang. Et aussi la terre, quand elle est ouverte, il en sort de certaines vapeurs qui en sont encloses lesquelles infectent l'air, et que l'on a vu par expérience en ceux qui ont été aux autres habitations après les premières années que le soleil eut donné sur ce qui était déserté, tant de notre logement qu'autre lieu, où l'air y était beaucoup meilleur et les maladies non si âpres comme devant. Depuis le mois d'avril jusqu'au 15 décembre, l'air y est si sain et bon qu'on ne sent en soi aucune mauvaise disposition. Mais janvier, février et mars sont dangereux pour les maladies qui prennent plutôt en ce temps qu'en été pour les raisons ci-dessusites. Car, par le traitement, tous ceux qui étaient avec moi étaient bien vêtus et couchés dans de bons lits et bien chauffés et nourris, sentant des viandes salées que nous avions, qui, à mon opinion, les offensaient beaucoup. Et à ce que j'ai vu, la maladie s'attaque aussi bien à un qui se tient délicatement et a bien soin de soi, comme à celui qui sera le plus misérable. Nous croyions au commencement qu'il n'y eut que les gens de travail qui fussent pris de ces maladies. Mais nous avons vu le contraire. Ceux qui naviguent aux Indes occidentales et plusieurs autres régions, comme vers l'Allemagne et l'Angleterre, en sont aussi frappés qu'en la Nouvelle-France. Depuis quelque temps, les Flamands, en étant attaqués en leur voyage des Indes, ont trouvé un remède fort singulier contre cette maladie qui pourrait bien servir. Mais nous n'en avons point la connaissance pour ne l'avoir recherché. Toutefois, je tiens pour assurer qu'ayant de bons pains et viandes fraîches, qu'on n'y serait point sujet. D'après Champlain, trois causes contribuaient à l'éclosion du scorbut. Le froid, les aliments salés et les émanations terrestres après un premier labourage. Cette dernière cause ne pouvait guère entrer en ligne de compte parce qu'il est bien difficile de comprendre que le sol gelé, jusqu'à une profondeur de 6 à 8 pouces, et recouvert de 3 à 4 pieds de neige, laisse échapper un miasme spécifique agissant comme corrupteur de sang. Le père Billard, dans la relation de 1611, citant l'opinion de Champlain, ajoute « Son dire n'est pas impertinent, ni sans exemple. Néanmoins, on peut opposer que les mariniers qui ne vont qu'à la côte pour pêcher et ne défrichent aucune terre, ni ne les habitent, nonobstant souvent tombent en ce mal, surtout les Bretons, car il me semble que ce mal les va tirant entre tous les autres. J'en ai ouï d'autres, qui philosophaient autrement, et non sans physique. Ceux-ci opinaient que le demeurer accroupi pendant un long et sombre hiver, tel qu'est celui du Canada, avait cessé ce mal aux nouveaux habitants. Que, de tous les gens du Sieur de Mont, qui premièrement hivernèrent à Sainte-Croix, 11 seulement demeurèrent en santé. C'étaient les chasseurs qui, en gaillards compagnons, aimait mieux la picorée que l'air du foyer, courir un étang que de se renverser paresseusement dans un lit, de pétrir les neiges en abattant le gibier, que non pas de deviser de Paris et de ses rôtisseurs auprès du feu. » L'escarbot émet l'opinion qu'outre les viandes salées, il y a plusieurs autres causes du scorbut. Ainsi, les viandes détériorées, comme poisson séché, morue et raie empunaisée, toute viande mélancolique, les eaux bourbeuses, l'air vicié par des émanations impures de marécages, les vents du nord ou du nord-ouest, les nourritures mauvaises durant les traversées de la mer, furent, d'après lui, les causes de cette contagion si funeste. Au commencement du XVIIe siècle, la science distinguait entre le scorbut de mer et le scorbut de terre. Champlain appelle ce dernier le mal de terre. On croyait alors que les deux maladies provenaient de causes différentes, bien qu'il fût impossible de se tromper sur la similitude des symptômes. C'était toujours la putridité des gencives, l'enflure des jambes, les taches caractéristiques avec la raideur de l'articulation du genou et la tendance syncopale. On vient de lire les descriptions qu'en donnent Cartier et Champlain et qui ne remarquait la ressemblance. À l'examen des organes internes, on était également frappé de l'apparence presque identique, dans tous les cas, des organes et de la décomposition qu'ils avaient subie. Cœur blanc et pourri, ses cavités entièrement remplies d'un sang corrompu. Poumons noirâtres et putrides. Plèvre remplie de sérosité, mêlée de sang. Rate en décomposition. Qu'on lise le rapport de Cartier qui avait fait ouvrir le corps de Philippe Rougemont. Il fut trouvé qu'il avait le cœur tout blanc et flétri, environné de plus d'un pot d'eau, rousse comme date, le foie beau, mais avait le poumon tout noirci et mortifié. Il s'était retiré tout son sang au-dessus du cœur, car, quand il fut ouvert, sortit au-dessus du cœur une abondance de sang noir et infect. Pareillement, avait la rate par devers l'échine un peu entamée, environ deux doigts, comme si elle eût été frottée sur une pierre rude. Voici maintenant ce que dit Champlain. L'on trouve à beaucoup des parties intérieures gâtées, comme le poumon, qui était tellement altéré qu'il ne s'y pouvait reconnaître aucune humeur radicale. La rate séreuse et enflée, le foie fort légueux et tacheté, n'ayant sa couleur naturelle. La veine cave ascendante et descendante, remplie de gros sang, coagulé et noir, le fiel gâté. Le docteur Lind rapporte les observations faites dans l'hôpital Saint-Louis à Paris en 1699 par le docteur Poupart. Dans le plus grand nombre des cas, il a remarqué la putridité extraordinaire des gencives, l'enflure des jambes, les taches livides, la rudesse de la peau, la raideur des articulations, les défaillances, souvent une mort subite, des hémorragies de toute espèce. À l'examen interne, il a trouvé la plèvre et le péricarde remplis d'une sérosité tellement corrosive qu'elle produisait une inflammation de la peau chez les médecins qui y plongeaient la main. Tous les jeunes gens au-dessus de 18 ans avaient les épiphyses en partie détachées du corps des os, les cartilages du sternum séparés des côtes. En 1699, le scorbut régnait épidémiquement dans Paris. Le docteur Poupart fit des dissections minutieuses des personnes qui succombèrent au fléau dans les salles de l'hôpital Saint-Louis. Lord Anson rapporte, de son côté, les résultats d'autopsie faits sur les cadavres des mariniers emportés par le scorbut de mer. Ils ne diffèrent pas des autres. Mêmes symptômes, mêmes altérations organiques sous le scalpel. Le résultat, donc, que la distinction entre le scorbut de terre et le scorbut de mer ne peut exister que dans les mots. L'importance attachée par Champlain au miasme terrestre se trouve singulièrement affaiblie devant ces faits que la science médicale a pu établir depuis que le fondateur de Québec a philosophé, comme dit le père Biard, sur les causes du mal de terre. Le docteur Lind, membre du Collège des médecins d'Édimbourg, écrivait au siècle dernier un traité sur le scorbut. On remarque, dit-il, que les premières colonies du Nord envoyées en Amérique furent extrêmement sujettes au scorbut. Cette maladie causait une si grande mortalité pendant l'hiver, surtout parmi les premiers Français qui habitèrent le Canada et la Nouvelle-France, ils furent souvent sur le point d'abandonner leurs habitations. Les naturels du pays n'étaient pas même exempts de cette cruelle maladie, au lieu qu'à présent les colonies sont entièrement saines, de même que plusieurs autres qui sont situées dans des endroits plus froids et plus au nord. On serait porté à attribuer ceci aux fatigues et aux incommodités auxquelles les colonies naissantes sont nécessairement exposées. Mais nous voyons que beaucoup de misérables passent tous les hivers dans la Nouvelle-Finlande, lesquels, à cause de leur extrême pauvreté, souffrent davantage, ou du moins tout autant, que les premières colonies. Ils sont privés près de 8 mois de l'année de végétaux récents, et n'ont d'autre nourriture que du poisson salé et séché, du gros pain. En un mot, leurs provisions sont beaucoup plus mauvaises que celles qu'on a sur les vaisseaux. L'air qu'ils respirent est plus froid, plus grossier et plus humide que n'est ordinairement celui de la mer. Malgré tous ces inconvénients, ils sont assez communément exempts du scorbut. Et c'est ce qu'on attribue à la bière de sapin, dont ils se servent pour boisson ordinaire. Ellis, dans sa relation, intitulé « Voyage to Hudson Bay », rapporte que sur 100 personnes employées dans les comptoirs anglais, il n'en mourait plus, vers le milieu du 18e siècle, tandis que les premiers voyageurs y périrent presque tous du scorbut. C'est le sort fatal qui avait été réservé à l'équipage du général Monk en 1619, celui de Thomas James dans l'île de Charlton en 1631, et à la plupart de ceux qui tentèrent de s'établir à la baie d'Hudson. En 1633 et en 1634, on déposa 7 matelots au Spitzbergen et dans le Groenland afin de s'assurer qu'il serait possible de passer l'hiver dans ces lieux réputés inhabitables durant la saison la plus rigoureuse de l'année. Le scorbut les fit tous mourir et on ne retrouva d'eux que le journal qu'ils avaient laissé de leurs infortunes. Un accident vint prouver que ces contrées étaient habitables. C'est Churchill qui le rapporte dans le 4e volume de sa collection. Un vaisseau laissant dans le même endroit 8 hommes de son équipage, lesquels, par conséquent, furent obligés d'y passer l'hiver. La saison fut également rude, ils n'avaient d'autre nourriture que ce qu'ils pouvaient se procurer à la chasse. Aucun d'eux ne périt. Ce bonheur fut dû au manque de moyens qu'on aurait cru nécessaires, quoique pernicieux au fond, pour les faire subsister et les préserver de cette maladie, c'est-à-dire l'eau de vie, le biscuit et la viande salée. Dans le cas des matelots déposés au Spitzbergen et dans le Groenland, on avait eu recours à des potions anticorbustiques purgatives, à l'eau de vie et à une variété d'aliments qui eurent un effet tout autre que ce qu'on en attendait. Avec un baril de petite bière de sapin ou de sapinette, ces gens-là n'auraient pas péri. Telle est l'opinion du Dr Lind. C'était aussi le remède des sauvages du temps de Jacques Cartier. Car il n'y a pas de doute que l'aneda, dont celui-ci parle dans sa relation avec tant d'éloges, n'était rien autre chose que l'épinette blanche, si commune dans nos forêts canadiennes. Le Dr Lynn croit que c'est le grand sapin de l'Amérique, car, dit-il, quoique les pins et les sapins, dont il y a beaucoup de variétés, diffèrent les uns des autres par leur grosseur et leur forme extérieure, la longueur et la disposition de leurs feuilles, la dureté de leur bois, etc., ils paraissent avoir les mêmes vertus et sont très efficaces dans le scorbut. Le petit sapin avec lequel on fait cette bière salutaire fournit un baume supérieur à la plupart des térébenthines. Quelques-uns ont cru que l'aneda était le sassafras et d'autres l'aubépine. Mais Cartier, dans son troisième voyage, parle de l'aubépine blanche et dit que l'aneda a 3 brasses de plus haut que la généralité des autres arbres. La simple décoction des sommités des feuilles ou même de l'écorce et du bois de cet arbre est antiscorbutique, mais elle est beaucoup plus efficace lorsqu'on la fait fermenter avec la mélasse, comme lorsqu'on veut faire la bière d'épinette. La mélasse contribue, par sa qualité diaphorétique, à en faire un remède plus convenable. On peut transporter sur mer quelques sacs de branches d'épinette et préparer en tout temps cette boisson salutaire. Les sauvages avaient appris à Jacques Cartier leur procédé pour fabriquer le merveilleux antiscorbutique. Il fallait piler l'écorce et les feuilles du bois, les mettre à bouillir dans l'eau, puis boire ce breuvage de 2 jours l'un et appliquer la mare sur les jambes enflées. L'effet de ce remède fut si souverain que les pauvres malades de Cartier voulaient se tuer à qui en avait le premier. De sorte qu'un arbre aussi gros et aussi grand qu'il se puisse voir fut employé en moins de 8 jours. Si tous les médecins de Louvain et de Montpellier y eussent été avec toutes les drogues d'Alexandrie, ils n'en eussent pas tant fait en 1 an, écrit le découvreur, et le dit arbre a fait en 8 jours. Dans tous les pays froids, les indigènes avaient leur remède particulier. Les naturels du Groenland se servaient du cochléria et de l'oseille mélangée. Le remède de la Norvège consistait en une terre rougeâtre et noirâtre qu'on trouvait dans le sol près de Bergen. C'était un sudorifique puissant. Les Suédois regardaient la décoction des jeunes branches de sapin comme spécifique dans le scorbut. Le trèfle d'eau, Trifolium palustre, est la plante que les Danois estimaient le plus. Ils la donnaient tantôt seule, tantôt avec le cochléaria. Mais de tous ces remèdes qui firent fureur durant le 17e et le 18e siècle, le plus recommandé fut le sapin. Sa vertu antiscorbutique, reconnue depuis longtemps par les aborigènes des environs de Stadacone, fut découverte par hasard dans une guerre entre les Suédois et les Moscovites. L'armée suédoise avait été presque entièrement décimée par le scorbut. Erlenius, médecin du roi, recommanda la décoction de jeunes branches de sapin et les malades les plus affectés furent radicalement guéris. Ce remède devint alors fameux et le sapin mâle, Vicé major CV habeas rubra, fut appelé Pinus antiscorbutica. On a trouvé aussi que le pin des montagnes, Pinus sylvestris, était un très bon antiscorbutique. Lind ne parle que des propriétés du sapin et semble ignorer l'épinette que l'on croit correspondre à l'anéda des sauvages. Cependant, il nous apprend que la bière de sapinette ou d'épinette était largement employée contre le scorbut au Cap-Breton et au Canada. Un Français, M. Diamel de Monceau, avait livré au public, avant que Lind écrivît son traité du scorbut, la recette dont on se servait au Canada pour fabriquer la bière d'épinette. On fait en Canada cette liqueur, dit-il, avec une espèce de sapin qu'on nomme épinette blanche. La coutume s'en est conservée. On utilise l'épinette soit en branche, soit en liqueur, pour préparer ce breuvage si connu et toujours si agréable quand il est bien fait. On ne l'emploie plus guère contre le scorbut que nous connaissons à peine. C'est surtout comme rafraîchissant et calmant de la soif qu'il a conservé sa popularité dans nos villes et campagnes. Cette vieille tradition suffirait seule à nous faire croire que l'anéda des sauvages n'était rien autre que l'épinette blanche. C'est à ce spécifique que réfère l'escarbot, sans le connaître, quand, après en avoir énuméré plusieurs assez faciles à prendre, comme le bon vin accompagné d'une pinte de bonne mœur, il ajoute « Et pour un dernier et souverain remède, je renvoie le patient à l'arbre de vie, car ainsi le peut-on bien qualifier, lequel Jacques Cartier appelle Anéda, non encore connu à la côte du Port-Royal, si ce n'est d'aventure la sassafras, dont il y a quantité en certains lieux, et est certain que le dit arbre y est fort singulier. Mais le sieur Champlain, qui est présentement à la Grande Rivière de Canada, passait l'hiver au quartier même où le dit quartier hiverna, à charge de le reconnaître et en faire provision. » Les éditions de l'avenir vous ont présenté le chapitre 6 de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.